Diane, on va replonger dans cette communication, rentrer dans les détails de la commensalité. On va revenir sur des formes plus classiques, en tout cas qu'on a déjà vues dans les communications précédentes, autour des cafés, autour de l'enjeu de l'espace du café comme espace de sociabilité militante. Alors, l'avantage, c'est que je gagne quelques minutes, que je n'ai pas besoin de remercier les organisateurs, parce que ça, c'est pratique. Mais je me réjouis, évidemment, d'y avoir participé à cette mise en œuvre autour d'une thématique qui, se place bien à la congruence de mon propre parcours d'historien du politique, hein, et en même temps de spécialiste des sociétés rurales, que porte mon labo, donc associé au colloque. J'en suis aussi très content parce que ça me permet de revenir à mes premières amours, effectivement, celle du socialisme rural, hein, qui était l'objet de ma thèse. Dans lequel j'avais croisé la figure d'un des propagandistes de la SFIO de l'entre-deux-guerres, hein, qui s'appelait Lucien Roland, et dont la principale richesse, hein, repose dans des sources déposées par Demanget à l'Institut français d'histoire sociale, qui sont une petite quinzaine de carnets de propagande, enfin de carnets dans lequel il note, où il a noté minutieusement l'itinéraire de ces tournées de propagande dans la France des années 1920. Et de ce fait, c'est un témoignage essentiel, hein, sur la place du café et, même si ce n'est pas le cœur de son propos, des pratiques de libation dans les processus de politisation populaire et militant. On est évidemment bien loin des grandioses banquets qu'on vient d'évoquer. On est dans une vision bien plus routinière, hein, de la sociabilité politique. On est moins dans un espace de consommation, en tout cas tel que ça apparaît dans les carnets Roland, qu'un lieu de libération de la parole politique. Et c'est ce point de vue-là que je vais essayer de développer. Alors, mon biais de recherche, hein, ça reste celui du ruraliste, hein, qui m'a poussé à privilégier dans l'étude et dans la collecte même des archives que j'avais fait il y a un temps certain, au siècle dernier, vous voyez, à privilégier évidemment les réunions rurales sur les réunions urbaines, hein, parce qu'il fait les deux, bien entendu, et que dans les grandes villes, il y a aussi cette question de l'utilisation des cafés, même si, je vais y revenir, c'est quand même une différence importante. Je crois que ce qui retient l'attention, c'est que le café dans le monde rural reste un espace essentiel de socialisation politique, hein, que les carnets Roland permettent pour partie de dévoiler. Trois temps, donc je ferai un petit rappel nécessaire, hein, pour contextualiser un petit peu à la fois le personnage et puis surtout la pratique de ces modes de propagande, hein, qui sont effectivement très différentes de celles qu'on peut observer au sein du Parti radical. J'évoquerai aussi Roland, hein, et puis cette attention portée aux cafés ruraux. Je reviendrai dans un second temps sur le café rural entre salle de spectacle et espace de liberté, montrer un petit peu les configurations, hein, qu'offre ce café rural. Et puis enfin, je reviendrai dans un dernier temps sur la question de la politique autour du BOC. Donc montrer que même si ce n'est pas central dans les informations que contiennent les carnets, on voit très bien comment la pratique, la consommation d'alcool est un élément central dans les processus d'adhésion et dans les processus de convergence militante dans les villages. Voilà. Alors, dans cette première partie, juste quelques éléments, hein, les historiens du socialisme, je pense à Christophe Prochasson, à Gilles Gandard, ont bien documenté, hein, dans les années 90, cette particularité du socialisme français d'avant 1914, hein, de privilégier une propagande politique, hein, qui est profondément ancrée dans l'imaginaire de l'éducation populaire et qui veut clairement se distinguer de l'action électorale, hein, sous l'influence en particulier du mouvement guédiste. Hein. Donc c'est cette idée que l'élection, finalement, c'est plutôt un moment négatif, hein, un moment où se révèlent les intérêts, les manœuvres, et que l'essentiel porte dans l'éducation des militants, seul moyen de créer une transformation sociale profonde. Et donc c'est cette idéologie, hein, qui débouche sur la mise en place, en 1905, hein, de la délégation permanente, c'est-à-dire le financement par le parti, hein, d'une poignée de militants, 3, 4, 5 selon les années, et qui tournent dans les fédérations pour les structurer. On en trouve, hein, des célèbres, on en trouve aussi des plus humbles, je vais y revenir. Ce rôle de la propagande, hein, donc, qui existe avant 1914, qui se poursuit pendant la Première Guerre mondiale, même si c'est dans des conditions différentes, il va jouer un rôle très important, évidemment, au moment de la scission du Congrès de Tours, dans la mesure où la reconquête militante va être un objectif central pour la SFIO. On le sait, hein, les députés sont restés au parti, les militants, pour faire simple, ont en partie adhéré, sont restés fidèles à la majorité du parti, et donc la question de la reconquête militante va donner à ces propagandistes un rôle absolument essentiel, et notamment dans les zones rurales, puisque il faut rappeler que dès avant 1914, hein, la SFIO a constitué des bastions, hein, pas seulement ouvriers, hein, des départements comme la Haute-Vienne par exemple, sont entièrement SFIO, et donc il y a un électorat, en tout cas un militantisme rural que l'on espère pouvoir reconquérir. Vous savez peut-être, dit selon des lointains souvenirs, qu'il y a tout un débat aussi autour du congrès de Tours, hein, sur la question du vote des masses rurales, réelles ou supposées pour le communisme, hein, même si c'est très largement, en tout cas c'est ce que j'avais essayé de montrer dans ma thèse, c'est très largement finalement une reconstruction, une représentation qu'une réalité comptable, mais c'est pas la question. Alors, deuxième point, ben, Lucien Roland, un propagandiste grognon. Comme je vous le disais, parmi ces militants qui se sont succédés, il y a des figures illustres, hein, comme Marcel Cachin, par exemple, hein, qui est donc, avant son élection comme député de la Seine, a tourné, hein, pendant quelques années. Aussi d'autres figures peut-être moins connues, hein, comme Maxence Rold. Beaucoup de ces délégués, souvent, au-delà de étaient engagés donc pour faire ces tournées militantes, et puis ils étaient aussi comme permanents envoyés au front, si je puis dire, comme candidats dans des zones difficiles d'accès. Quand on n'avait pas de candidats, on les envoyait, et un certain nombre d'entre eux, c'est le cas de Maxence Rold, arrive finalement à s'implanter, à devenir député et à faire carrière militante, avoir une reconnaissance. Lucien Roland n'a pas cette chance. Bon, d'abord, il est âgé, hein, en 1905, quand il a une cinquantaine d'années, hein, donc bon, il n'est pas, je dirais, une jeune figure montante. Voilà, on voit qu'il a des difficultés d'affectation, il est affecté à la librairie du parti avant 1914, d'aussi importance pédagogique. On voit dans ses carnets qu'il y a des moments où on pense le mettre à la retraite, puis finalement on le garde. Il a des échecs, hein, notamment en Lozère, où il a tenté d'implanter la fédération. Il a été battu au second tour. Voilà, donc il n'a pas réussi à percer, et ça explique sans doute c'est sa fin de carrière pendant laquelle il exerce le sacerdoce, où il va donc laisser ses précieux carnets, mais aussi donc un certain nombre de témoignages, et aussi un carton de correspondance avec ses proches, donc qui montre son caractère un petit peu bougon, je l'évoquais tout à l'heure, toujours un petit peu à se plaindre, d'être mis de côté, d'être marginalisé, de voir les succès des autres. Il y a aussi un drame humain, hein, c'est assez émouvant aussi parfois, il parle aussi de sa solitude, de ce travail militant qui n'est pas reconnu, donc c'est assez, assez intéressant. Et puis, bon, ce qui le rend un peu moins sympathique, si je puis dire, c'est comme un certain nombre de militants guédistes, c'est un antisémitisme structurel, hein, qui ressort, et qui ressort notamment au moment du Front populaire. Hein, là, on voit qu'il y a vraiment ce courant antisémite limité, hein, mais qui est réel, hein, face en particulier à Léon Blum. Il a aussi un antiféminisme chevillé au corps. Hein. Alors là aussi, il n'a pas de chance. Hein, il se marie et puis sa femme meurt quelques années plus tard. Je n'ai pas dit que c'était un féminicide. Hein, je pas d'information à ce côté. Mais bon, voilà, on sent que sa vie aussi sentimentale et peu sympathique. Bref, voilà. Alors c'est vrai que ces carnets, voilà, on n'a pas envie d'en faire une figure glorieuse. Hein, personne n'a fait la biographie de Lucien Roland. Quand on lit dans le Métron la notice de Lucien Roland, voilà, hein, c'est Justinien Raymond qui l'a fait, comme beaucoup d'autres, et il y a 10 lignes, voilà, hein, il est vite évacué. Bon, et pourtant, voilà, c'est quelqu'un qui est très intéressant et dont les archives, hein, sont passionnantes, parce que justement, il y a une vision de l'intérieur de ce qu'est le Parti Socialiste et de ce qu'est la propagande du Parti Socialiste qui est absolument passionnante. Dans l'étude, hein, de la sociabilité militante. Dernier élément, voilà, la propagande, un propagandiste, et puis des espaces de travail, hein, qui sont les zones rurales et notamment les cafés ruraux, sur lesquels je vais m'arrêter comme élément clé du politique, de la politisation des campagnes. Alors, ces carnets, ils nous montrent, hein, le rôle central de ces cafés dans la sociabilité villageoise. Alors, c'est pas une nouveauté. Hein. On a entendu parler ce matin de l'importance des cercles. On ne peut évidemment que citer Maurice Agulon, hein, dans la diffusion des idées, dans ces espaces de lecture, de consommation, de socialisation politique, notamment dans les périodes de régression démocratique, qui fournissent, on en a eu l'exemple tout à l'heure, des sources. Évidemment, on a de la surveillance policière, donc c'est super parce qu'on peut traquer tout ça. Ce qui est évidemment différent après... l'arrivée de la République. Comme souvent dans l'histoire de la politisation des campagnes, je plaide pour ma chapelle, une fois la République établie, ça n'intéresse plus personne. On a l'impression qu'une fois que la politisation est faite, la politique au village, elle s'arrête. Voilà. Mais pourtant, elle continue. On a travaillé plutôt sur des analyses politiques, sur le militantisme, sur les élus, mais finalement, les pratiques militantes restent peu observées. Pourtant, et ça me semble important, d'une part, on l'a vu dans les communications de tout à l'heure, hein, le café reste un élément central où s'exerce le politique. Hein, et puis d'autre part, je pense qu'on oublie aussi de rappeler que le café change. Voilà. C'est-à-dire que le café du 19e siècle n'est plus le café de l'entre-deux-guerres, avec de nouvelles pratiques de consommation, une augmentation du niveau de vie, la diffusion de nouveaux produits, de nouvelles pratiques, la transformation des pratiques alimentaires, hein, donc on va manger davantage à l'extérieur. Donc il y a tout un tas d'éléments qui font du café un espace qui est différent de celui de l'espace du 19e siècle. D'autre part, c'est aussi des choses toutes bêtes, hein, mais la généralisation de l'éclairage, d'une certaine forme de confort qu'on ne retrouve pas, évidemment, pour ce qui est des campagnes. Et puis aussi, quelque chose qui me semble très important, qu'on a croisé là dans les différentes communications, c'est la loi sur les associations, en fait. C'est à la transformation du milieu associatif, l'associationnisme républicain, qui entraîne la multiplication des structures collectives de toute nature. Hein, les groupes politiques, les groupes sportifs, les anciens combattants, les mutuelles, les syndicats, les sociétés de tir, enfin voilà, cet immense associationnisme républicain, là aussi que les historiens ont effleuré, hein, voilà, on dit toujours Maurice Agulon, mais derrière, on n'a pas toujours continué à explorer ce domaine qui, me semble-t-il, est très important. Et du coup, toutes ces associations, elles ont besoin d'espace. Et dans les villages en particulier, dans les petits bourgs ruraux, eh bien, voilà, il y a les cafés. Et les cafés, donc, vont fonctionner autour de ce système. On perd une grande partie de la documentation administrative. Parce que les cafés ne sont plus un enjeu, ils sont moins surveillés. Alors, ils sont un peu surveillés sur les horaires d'ouverture, mais globalement, voilà, c'est beaucoup moins nourri que dans les périodes régressives. Donc ça, on perd des informations. On les retrouve par la presse, hein, c'est pour ça que je l'évoquais tout à l'heure, qui effectivement est foisonnante, mais qui offre aussi un certain nombre de limites. Hein. Voilà. J'ajouterais quand même un bête détail technique, la numérisation progressive de la presse, et notamment de la presse locale permet des enquêtes quantitatives qu'on ne pouvait pas faire avec de la presse papier. Voilà, parce que dépouiller des dizaines d'années de presse militante ou de presse locale, ça prend énormément de temps. Voilà, taper un mot-clé sur un moteur de recherche, bon, ça pose quelques problèmes techniques et méthodologiques, mais ça permet quand même d'être extrêmement efficace et ça permet peut-être de repenser d'autres façons d'aborder ces questions. Voilà. Donc, le café, hein, rural, vraiment élément absolument central. Alors, deuxième élément donc, de mon propos, café rural entre salle de spectacle, espace de liberté, les centaines de réunions hein, que donne Roland et les autres propagandistes donnent donc à voir ce rôle central du café, qui est souvent le seul lieu disponible dans la commune, car l'accès à une salle municipale, à une salle de mairie, qui est le plus souvent une salle dans la mairie, est conditionnée à la bonne volonté des élus, ce qui évidemment est loin d'être le cas. D'autant plus que dans les plus petites communes, voilà, il n'y a même pas de salle susceptible d'accueillir véritablement une réunion. Et du coup, les salles de café, les auberges, les restaurants sont les seules alternatives. Et là, je rejoins les remarques qui ont été faites tout à l'heure sur la complexité de l'écosystème du bar, café, restaurant. Parce qu'on a des termes qui sont employés, mais bien souvent, on ne sait pas très bien ce qu'il en ressort. Et effectivement, voilà, et notamment dans les espaces ruraux, le café est à la fois un lieu où l'on consomme, où on boit, où on mange, où on joue, où on danse, voilà, où on fait des activités sportives, on parlait des clos tout à l'heure, voilà. Et donc là, on a tout un tas de configurations qui rendent possible l'accueil de réunions qui, voilà, à leur plus fort, font 100, 150 personnes, donc qui sont adaptées à ce point de vue. On le voit très bien, hein, quand j'avais fait voilà, une distinction sur les quelques 1500 réunions que contiennent les carnets, entre les distinctions entre le rural et l'urbain, autour des 2000 habitants, ce qui est totalement non scientifique, mais il faut bien tracer la limite. Voilà, on voit très bien dans les descriptifs, quand Roland donne, parce qu'il ne donne pas toujours, évidemment, le lieu de la réunion, bah, on voit très bien que dans les villes, les réunions se tiennent, hein, voilà, en Haute-Saône, à Lure, au théâtre, à Draguignan, à la salle de l'Eldorado, à Vibray, dans la Sarthe, on a une maison du peuple. Hein, donc voilà, on a des espaces spécifiquement dédiés au rôle militant. Dans les bourgs ruraux, voilà, c'est déjà plus compliqué. Peut-être une salle municipale, parfois la salle de la justice de paix, justement, qui est souvent mentionnée comme, voilà, qui est la salle municipale, notamment dans les chefs-lieux de canton, voilà, qui viennent gonfler un petit peu cette offre. Voilà, dans les campagnes, en revanche, bah, quand on regarde de façon rapide la liste des lieux mentionnés, ce sont les cafés, hein, qui sont le plus fréquemment notés, à côté d'endroits bien plus improbables, comme des granges, des bergeries. Parfois la remise de l'hôtel, hein, donc vous voyez la remise de l'hôtel, là c'est même pas une salle, c'est la, voilà, on sait pas très bien ce que c'est, et puis des réunions en plein air, hein, les réunions sous la halle, qu'on trouve dans quelques exemples. J'ajouterais que y a quand même cette question, hein, centrale, hein, que j'évoquais tout à l'heure, c'est le problème quand on parle de salle de la section, hein, qui est présente assez fréquemment. Voilà, on ne sait pas si cette salle de la section est de fait aussi une salle de café, une arrière-salle de café. Là, on peut pas, on n'a pas d'informations suffisamment importantes, mais je dirais que ça vient simplement confirmer cette centralité du café. Comme j'évoquais tout à l'heure, hein, la salle, plutôt que le café ou l'auberge, n'est pas une... ne signifie pas une différence, puisque les deux sont très souvent liés. Voilà, en Ariège, en 1920, hein, dans le village des cabanes, voilà, on nous parle de la salle de danse, hein, qui a été utilisée pour faire la réunion. On parlait tout à l'heure des auditoires, hein, c'est aussi un trait très intéressant de ces tournées rurales, où là, par contre, Roland mentionne systématiquement le nombre d'auditoires. On se rend compte de l'incroyable succès ou de l'incroyable... moment que constituent ces tournées. Voilà, puisque au Cabane en Ariège, en 1920, il y a 420 habitants dans le village, il y a 170 auditeurs. Voilà. Donc c'est tout le village pratiquement hein, qui assiste à la réunion. Donc on a aussi cet élément spectacle sur lequel je reviendrai. Alors la mise à disposition par les cafetiers, les commerçants, obéit à différents motifs. Elle est parfois, entre guillemets, politique. Soit que l'établissement soit lui-même le siège des sympathisants, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce qui est sans doute le plus fréquent, soit que le propriétaire lui-même soit un militant ou un adhérent, comme Roland le mentionne parfois. C'est pas étonnant, hein, puisqu'on sait bien que, et on en a eu des démonstrations à Givors, que les cafés ont leur couleur politique, hein, y a des formes de regroupement systématique, même si au village, on est sans doute dans des circonstances plus complexes, parce qu'il n'y a pas forcément une offre extrêmement importante. Cette appartenance politique, hein, Roland en fait parfois l'expérience, pour le meilleur ou pour le pire. En 1925, il est en réunion à Bourget-du-Lac, et il dit à propos du militant qui le guide dans, dans ses conférences, « C'est un fort brave homme, bien dévoué mais gaffeur. Ici, il m'a conduit à l'hôtel réactionnaire, bien entendu sans le faire exprès. » Donc voilà, là on a cette identification dont on sait hein, voilà, qui est qui, et si possible, ne pas se tromper de destination. Toutefois, si on en croit Roland, aller chez un aubergiste militant n'est toutefois pas non plus une sinécure, comme dans la Sarthe, quelques mois plus tard, hein, donc c'est à Ciel-Guillaume en juin 1925, où il explique « Je commence à en avoir assez de ces autos des camarades hein, qui le promènent, qui sont généralement des voitures incommodes et non couvertes. Après la conférence, tout mouillé de sueur, il m'a fallu descendre chez un camarade hôtelier qui est du parti. Je n'y descendrai pas deux fois. » Bon, voilà, donc pas suffisant non plus pour être bien accueilli. Bien entendu, cette forme de proximité politique, hein, elle n'est sans doute pas dominante. L'autre élément moteur, c'est bien sûr le commerce et les retombées économiques. Hein. La mise à disposition de la salle commune a pour contrepartie une bonne recette pour l'organisateur par les consommations qui sont prises pendant ou après la réunion. Les notes de Roland regorgent d'anecdotes et de remarques, le plus souvent aigries, hein, contre cette exploitation économique à laquelle il ne peut échapper. Il note ainsi pour une tournée dans la Drôme en 1926, « J'arrive à Montbrun par l'autobus. Un certain Arnoux qui doit me recevoir est absent, mais la réunion a été préparée par le cafetier hôtel Giraudin, donc il a tout compris. C'est pour lui une bonne récolte. Par les consommations qu'il débitera, je ne suis que l'histrion dont il exploitera la parole. » Un an plus tôt, dans la Vienne, le constat est similaire. Il explique, donc il prend des notes sur les difficultés de la fédération, et il dit « Ils ne peuvent obtenir les salles de mairie et sont contraints de louer des salles d'auberge ou de café. Nous devons donc apporter bénévolement nos efforts et une clientèle à de vils empoisonneurs dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont loin d'être nos amis. » Donc voilà, toujours dans cette vision un peu négative de Roland. Alors, comme en témoigne la dernière citation, le recours au café n'est pas seulement une dynamique commerciale. C'est pas seulement un choix, c'est aussi les conséquences de difficultés de l'organisation de la politique au village. Voilà. Dans la grande partie des lieux visités par Roland, voilà, il n'y a pas de salle municipale, et surtout, il faut bien comprendre que leur accès est étroitement dépendant des rapports de forces politiques locaux. Voilà. Il faut avoir au moins le soutien de la municipalité, ce qui est déjà beaucoup pour accueillir un conférencier quand même socialiste, hein, c'est pas rien. C'est aussi, je dirais, une forme de prudence hein, pour un militant de s'engager. Et donc, dans bien des cas, si on en croit Lucien Roland, l'impréparation des tournées hein, dans l'organisation des réunions, l'absence de travail pour préparer le terrain, eh bien, laisse le conférencier se débrouiller, et le seul endroit où on peut aller, c'est dans la salle de café. Hein, on en prend un exemple en 1925 dans les Côtes-du-Nord. Le camarade Meuron, qui doit préparer la réunion, est absent. Je vois successivement certains fonctionnaires qu'on m'indique comme sympathisants et un clerc de notaire, Bourju, qui me dit être communiste et ne pouvoir s'occuper de cette réunion. qu'on a annoncé, mais qui n'est pas préparé. Le maire refusant la salle de la mairie, j'en prends mon parti et je vais me coucher de bonne heure. Voilà, donc là, pas moyen de s'en sortir. Autre exemple, hein, le maire de Bricbec, où nous sommes aujourd'hui, a refusé la salle de la mairie parce que nous ne sommes pas de son parti, bon, moi c'est clair. L'affichage n'ayant pas été fait, nous voulons faire tambouriner la réunion, évidemment, le garde champêtre, hein, qui peut annoncer et rassembler la population, il n'a pas le temps. Voilà, une salle est mise à notre disposition par le patron du café Pouvreau, employé de chemin de fer. Voilà, donc toujours le café un moyen de sortie. Alors, dernier élément de cette deuxième partie, le recours contraint ou non aux salles de café contribue à accentuer la dimension presque récréative, spectaculaire de la propagande politique au village, avec un regard ambivalent des organisateurs. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment très net chez Roland. Voilà, Roland souhaiterait privilégier les réunions privées, hein, sur les réunions publiques, pour des raisons à la fois structurelles, donc cette idée d'éduquer les militants et non pas faire de l'esbrouf, mais aussi conjoncturelles. J'ai principalement, statistiquement étudié les carnets à partir de 1920 jusqu'en 28, donc au moment de la scission, et bien évidemment les premières années sont marquées par les réunions publiques, hein, sont tout le temps interrompu voilà, par des altercations avec les communistes. Et donc, ça fait échouer finalement le motif d'éducation. Et donc, on préfère des réunions privées, même si ces réunions privées, on n'arrive pas non plus toujours à les organiser. Vous l'avez bien compris. Donc, la réalité, malheureusement, pour Roland, c'est donc de se rabattre sur ces réunions dans les cafés, qui ne sont donc pas des réunions privées. Et là, on est dans cet entre-deux, hein, qu'on a eu aussi dans l'exemple tout à l'heure de Tours, hein, l'appartement au-dessus, est-ce que c'est une réunion privée, est-ce que c'est une réunion publique. Voilà, de fait, quand la réunion se tient dans le café, même si c'est dans l'arrière-salle du café, le café reste ouvert, donc il y a de la circulation, il y a des gens. Voilà, un exemple en Saône-et-Loire, à Navilly, la réunion annoncée par le tambour comme privée est en somme publique, et ce groupe environ à 50 à 60 personnes. Beaucoup écoutent attentivement, mais on boit à table, et des allées et venues troublent quelque peu l'orateur. C'est un cauchemar quand je suis obligé de parler au milieu de gens qui consomment. Voilà. La dimension publique, hein, permet malgré tout de porter la parole différemment, de toucher des publics différents, même si, là aussi, la vision de Roland est toujours très négative. Hein. On parlait tout à l'heure des femmes. Lors d'une réunion à Chapeauroux, section de 9 membres, il y a beaucoup de femmes et d'enfants, autant que d'hommes, dans la réunion. Donc on a des femmes, mais il dit, dans ces petits villages, on vient à la conférence comme on irait au cinéma. Ce n'est pas toujours amusant pour l'orateur, tout s'est bien passé, à part quelques bavardages de gosses. Donc là encore, voilà, cet espace mi-privé, mi-public va pouvoir parfois se révéler un terrain plus favorable, même s'il est contraignant. Alors dernier élément, dernière partie, ne me regarde pas avec des gros yeux comme ça, même si tu as tout à fait raison, c'est la question de la politique autour du BOC et de la peur de s'engager. Ce qui est vraiment tout à fait marquant dans ces récits de la propagande au village, c'est combien il révèle combien l'engagement militant est complexe dans un univers de l'interconnaissance, hein, où on ne peut pas échapper au regard de l'autre. Voilà, que ce soit dans la préparation des tournées, donc d'organiser, de prendre position pour organiser une réunion ou intervenir et apparaître comme un soutien à l'orateur est perçu comme quelque chose de mise en danger que bon nombre de comptes rendus soulignent. Voilà. Les soutiens ne sont pas au rendez-vous. Hein. Voilà, en octobre 22, dans une tournée dans le Loire, d'ailleurs en réunion publique, les gens ne tiennent pas à se signaler. Ceux-là qui nous étaient sympathiques, il y en avait, puisque ceux qui prennent leur carte au parti étaient présents, se sont bien gardés de nous approuver publiquement. Voilà. Donc même pour des militants engagés, entre guillemets, voilà, s'afficher ouvertement à côté du propagandiste c'est compliqué. Autre exemple, hein, cette dissociation entre le travail militant et le travail d'adhésion. La réunion publique est une rareté dans ce petit village de 800 habitants. J'ai une salle garnie de 80 à 100 personnes. Je distribue des formulaires d'adhésion au parti. Comme je sens bien qu'ils n'adhéreront pas publiquement, je leur prie de s'adresser aux camarades Mamin pour des renseignements complémentaires. Parfois, il fait face à des comportements voilà, qu'il juge voilà, inadaptés. Hein. Une très belle citation dans l'Allier, à Montaigu-le-Blain, 1924. « Je fais ma conférence devant une salle plutôt hostile, un poivreau mutilé est chargé de créer la confusion en disant des bêtises. Les représentants des châtelains, un châtelain en personne, ont des ricanements. » Donc on voit bien là cette présence multiple, cette pression sociale qui existe. Et quand le militant qui l'accompagne, Puchma, il propose de former une section et que d'ombre cite des noms de citoyens qui seraient capables de former la section, ceux-ci protestent en disant qu'ils ne permettent pas qu'on puisse disposer de ainsi. La séance est alors levée par le maire. Voilà. Et Roland précise, hein, nos camarades sont un peu expérimentés, ils n'ont pas conscience du caractère défiant et timoré des paysans. Ces milieux ruraux nécessitent de la part des propagandistes beaucoup de prudence et de tact. C'est alors que le café entre en scène, si je puis dire, non plus le café comme espace politique de réunion, mais le café comme espace de consommation, comme espace de socialisation effective autour d'une pratique différente, qui est celle de la boisson. Et on observe, alors, malheureusement, Roland n'écrit pas ses commentaires pour l'historien, donc parfois c'est très succinct, voilà, j'ai un petit peu de deviner, mais ce qu'on observe finalement, c'est que systématiquement, la fondation des sections, les abonnements aux populaires, les recrutements se font autour d'un verre, dans l'entre-soi militant, après la conférence, je dirais quand une partie de la population, en tout cas des assistants sont partis. Voilà. On en retrouve une certaine intimité militante. Voilà. Boudet a beaucoup de mal à se faire entendre. 5 ou 6 communistes hachent son exposé d'interruption. Je suis écouté avec assez de calme dans mon exposé du socialisme. Des questions me sont posées auxquelles je réponds et la séance est levée. Nous nous réunissons ensuite dans un café où s'organise une section du parti. Une quinzaine d'adhérents se font inscrire. On voit aussi que voilà, le café peut être aussi un moment, le café au sens de consommation d'alcool peut être un moment auquel on fait un certain nombre de réalisations, par exemple admettre un nouveau militant. Voilà, ce sont des moments qui créent des capacités de recrutement nouveaux. Même si les carnets ne le mentionnent pas énormément, on voit bien que la présence de la consommation d'alcool est systématique. Alors, il y a une citation qui permet de le conforter. À la suite d'une longue tournée dans le Pas-de-Calais en 1919, il écrit « J'ai l'estomac très fatigué par la suite de l'absorption de nombreuses chocs. Le camarade Houbard me dit que pour être un bon propagandiste, dans cette région, il faut boire. Car refuser un verre est considéré comme une sorte de dédain par les ouvriers. Je lui réponds qu'il faut bien que ce système cesse, car il ne s'agit pas de tuer les propagandistes et chacun se trouverait bien d'une bonne campagne anti-alcoolique. » Je reconnais qu'il me serait difficile d'être estimé dans cette fédération. Voilà. Donc, voilà, on pourrait comme ça accumuler hein, ces exemples du rôle central de ces pratiques. Alors, voilà, contrairement, et pour m'arrêter, hein, parce que je vais me faire disputer, on voit bien, voilà, on n'a pas évidemment les traces de tout ce que consomme exactement, du type de pratique. On n'a pas forcément d'informations très précises, mais on voit très clairement. Voilà comment cet espace du café est absolument central hein, dans le dispositif militant et j'insiste beaucoup là-dessus sur dans le dispositif de socialisation politique hein, qui s'opère dans ces années de l'entre-deux-guerres. Voilà, j'ajouterai aussi voilà que c'est le problème de travailler sur des sources qu'on a dépouillées il y a très longtemps. Des sources privées, donc il faut pas pu les reprendre encore tout de suite de façon précise, mais le regard que je portais dessus il y a 25 ans n'était pas le même que celui que je porte aujourd'hui, c'était pas le même questionnement, et je pense qu'en y revenant, je vais sans doute retrouver des choses plus intéressantes, en tout cas des choses que je n'avais pas notées sur justement ce rapport à la consommation, soit d'alcool ou en général, mais ça reste quand même des témoignages assez fascinants de cette politique au village. Merci.